Nouvelle chronique à danradiosport.com à tous les lundis. On va faire un bilan de ce qui s'est passé dans la Ligue JMS, que ce soit au niveau midget et également au niveau junior. On a une chronique à toutes les semaines d'ailleurs avec les différents entraîneurs de Roberval et de Dolbeau-Mistassini, mais également du Marcos Pop de Saint-Félicien. Mais là, ça va être plus général. On en parle avec Guy Saint-Gelais qui sera notre chroniqueur. Salut Guy. Salut Dani, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Guy, d'abord, oui, c'est pas mal de fun. Donc, parle-moi maintenant de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer hier au tournoi Midget d'Alma. Ça a été vraiment intéressant. Le Marcos Pop de Saint-Félicien qui avait remporté un tournoi à Drummondville ont récidivé en remportant le tournoi Midget d'Alma. Oui, vraiment, là, je veux dire, c'est les meneurs dans la ligue, c'est pas pour rien, là. Vraiment une belle équipe de hockey. Le Marcos Paul dirigé de main de maître par Jason Lajeunesse et ses acolytes. Pour donner crédit, là, Danny, on s'est rendu compte là, ce week-end que le tournoi, que notre ligue, là, Midget 2B, là, on a une ligue qui est très forte à la grandeur de la province, avec le Carré d'Or, ça, qui était formé de quatre équipes régionales, là. Si, oui, ben effectivement, hein, parce que Jason expliquait, il y a pas de A et de 2A dans les autres régions, hein. Donc, ce qui fait en sorte, dans la région, ce qui fait en sorte que le midget 2B, ben, il est plus fort ici que partout dans partout dans les autres coins de la province, là. Ouais, c'est probablement un des facteurs, mais il faut pas oublier que, tu sais, d'un point de vue territoire, nous avons beaucoup moins de joueurs inscrits versus les grands centres, Québec, Mauricie, l'Estrie, tout ça. C'est une des raisons pourquoi Midget 3, on n'a pas dans la région. Et de toute façon, on aurait le bassin pour en faire seulement un qu'une, là, comme il y a déjà eu là, plusieurs années. OK. Donc, le Marcos Pop a défait qui en finale? Les Saguenay-Chicoutimi, OK. qui a été une belle surprise. Les Saguenay qui ont quand même une bonne équipe de hockey, mais c'était plus du up and down dernièrement, là, victoire, défaite. On causait une belle surprise en défaisant les Adelons d'Alma en demi-finale 2-0. Et du côté du Marcos Pop, ça a été plus compliqué un petit peu là, en demi-finale. Là. Ça a été il menait 3-0, c'est monté 3-3 contre les Marquis de Jonquière et en fin de compte, le Marcos Pop l'a emporté 4-3. Un duel là, chaudement disputé. Il y a également, y a-t-il d'autres équipes de la région qui ont bien fait quand même à ce moment-là? À part les Saguenay, à part le Marcos Pop, y a-t-il d'autres formations? Ben, je veux dire, il y a seulement deux équipes de la Ligue qui n'étaient Ah, pas ok. inscrites Les Castors? tournoi d'Alma. Il y avait les Castors et Bécomo qui Ok. ont justement ont joué deux matchs un contre l'autre ce week-end. Mais pour les autres équipes, là, que ce soit l'AB ou les Orioles de Jonquière, là, je veux dire, ça a été quand même là, un beau tournoi, là. Mais tu sais, je veux dire, sur 12 équipes, il y en prenait seulement 4, ça que. On n'avait pas une grosse marge de manœuvre là, pour les équipes là, pour se classer en demi-finale. Maintenant, au niveau junior, qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine? Au niveau junior, ben, on a eu, on pourrait dire, la résurrection des Sables de Roberval avec leur nouvel entraîneur, Guillaume Gay. Est-ce que Ils ont c'est vrai? perdu 20. J'ai entendu dire à Oui. travers les branches, tu me corrigeras si je me trompe, est-ce que c'est vrai que il y a de plus en plus de possibilités que le club ne finisse pas l'année? Le club va se terminer l'année. On a eu une confirmation là, de la direction de la Ligue. Là. La direction des Sables de Roberval ont confirmé, là, ont fait le tour de tous les joueurs. Et puis, il y a beaucoup de joueurs qui avaient arrêté de jouer pour diverses raisons. Le travail, les études, conflits internes ou externes. Peu importe la raison, mais il y a beaucoup de joueurs un, étaient de retour en fin de semaine. Et de deux vont recommencer là, au cours des prochains jours à porter l'uniforme des Sables. Là. Ça veut dire que pour les Sables, là, malgré un début de saison, on pourrait dire presque atroce, ben depuis quelques matchs, là, avait déjà donné beaucoup plus d'opposition aux autres clubs. Et puis même défait la semaine dernière, là, les Éperviers de Normandin là, en prolongation. Donc, c'était un beau retour aux sources là, pour eux. Puis vendredi, ont reçu la visite des Adelons d'Alma, que malheureusement, les Sables ont perdu, mais ils ont perdu 6-5 en prolongation. Ils ont Non, connu un c'est mauvais déjà début de une match, mais meilleure ont. sortie. Ouais. Puis je peux te dire que pour avoir discuté avec certains joueurs de l'équipe, là, le sourire est revenu. Là. Les joueurs ont compris que on sait jamais qu'est-ce qu'ils parlaient en série de fin de saison. Ça, c'est sûr, parce que les cinq équipes font les séries. Ouais. Donc, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Puis, c'est avec le plaisir que les performants viennent. Là. Si tu t'amuses pas, c'est sûr que tu n'as pas le goût. Tandis que là, les joueurs ont le goût de s'amuser. Puis, ça apparaît sur la glace, là, donne un deuxième puis un troisième effort. OK. Donc, ça va repartir depuis Bill. Astor, oui. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a d'autre à mentionner? Les Sables de Roberval ont reçu la visite samedi des Saguenayens de Chicoutimi. Malheureusement, ça s'est terminé 7-3 pour Chicoutimi, mais le pointage n'indique pas l'allure du match. Okay. Les Sables ont quand même connu un très bon match, mais c'est sûr que Chicoutimi est quand même là, sur papier et sur glace là, plus fort que les Sables de Roberval. Mais la tenue là, des Sables, là, on voit que là, le jeu, là, les se referme du côté de Roberval. On a employé un système de jeu plus défensif. Puis, tu sais, il faut noter que le 7e but d'un filet désert aussi. Ça fait que hier, du côté de toujours dans le junior à Jonquière, les Aiglons d'Alma se sont inclinés 5-1 auprès des Marquis. Les Marquis qui conservent leur première place au classement. Suivi de près de Chicoutimi qui ont défait justement Normandin au compte de 6-1 pour justement reprendre la deuxième position là, au classement qui était détenu par Normandin. Okay. Si on regarde le classement du côté du junior, là, c'est extrêmement serré. Là. 2 points sépare les Marquis des Saguenayens et 3 points seulement sépare les Marquis de Normandin en troisième position. OK. Ensuite, du côté des marqueurs, qui mène dans la Ligue junior régionale et midget régionale? OK. Du côté des marqueurs du midget, si je te donne ça à l'instant, laisse-moi juste rafraîchir ma page Internet qui vient de disparaître. OK. C'est du côté de... On a 2 joueurs à 42 points. Louis-David Gagnon, des ambassadeurs de Chibougamau. Et puis, tu as Hugo Cyr, des Marquis, qui ont tous les deux 42 points. Du côté de Gagnon, 19 buts, 23 aides. Et du côté de Cyr, on a 12 buts, 30 aides. En troisième position, toujours des Marquis, on a Vincent Brassard à 36 points. Si on y va du côté du junior, qui est présentement pas à jour à 100%, parce que les matchs du week-end ne sont pas rentrés du côté du junior encore. Okay. Mais au dernier regarde là, aux dernières nouvelles là, du côté avant le week-end du côté du junior, c'est David Gagnon des Éperviers de Normandin, là, suivi d'Anthony Labrèche de Chicoutimi et puis Charles Bélanger de Chicoutimi avec 40 points du côté de Gagnon, 37 du côté de Labrèche et 33 du côté de Bélanger. Okay. Si on regarde les matchs du week-end, c'est sûr qu'avec des pointages de 7-3 et de 6-1 du côté de Chicoutimi, probablement que la brèche a performé. On va voir qui va se mettre à jour au cours de la journée. Okay. De toute façon, on a toujours notre nouveau site, là, comme tu parlais avec notre président la semaine dernière, si je ne me trompe pas, là, le nouveau liguejms.com. Très bien fait d'ailleurs. Oui. On a travaillé fort là-dessus. On a décidé qu'à temps de repartir en nœud au cours de la saison, on en repartait en nœud avec des nouvelles couleurs, nouveaux sites, nouveaux logos. Ça fait que un logo très simple, les lettres seulement, puis une petite rondelle de hockey là, pour dire que c'est du hockey. Okay. Mais on est allé dans les couleurs de la région aussi, là, dans le vert, jaune, gris, rouge. On a travaillé fort, puis la direction travaille encore très fort. Là. Il va y avoir des améliorations. Là. Ce qui reste maintenant, c'est de rentrer dans les médias, s'asseoir avec le quotidien, s'asseoir avec d'autres médias également pour voir votre côté aussi. Guy, ça fait le tour pour cette semaine. On va avoir des entrevues plus locales avec l'instructeur des Castors, des Sabres et également du Marco Sport. Oui, tu avais quelque chose à ajouter? Oui, juste côté médias, ça c'est une proposition que tu as faite, puis je travaille présentement avec Pierre Guay là, pour justement là on rentre en contact là avec il va me rester là radio locale au Saguenay là CKJ, puis il me reste le quotidien là que j'attends une réponse là pour un petit article une fois par semaine. Ben, ce serait bon. Ça c'est une proposition très appréciée.